إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجعلني وأحبتي من أهل الجنة وقني والمسلمين من النار عباد الله لنفتح مسامع قلوبنا إلى ربنا جل وعلا وهو يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ويقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أيها الصالحون والصالحات نواصل في حديثنا عن الأسس التربوية الصحيحة أو للتربية الصحيحة واليوم تربية الأولاد على طاعة الآباء والأمهات في هذه الآيات وغيرها بل كثير في القرآن الكريم ما جعل الله عز وجل حقه مقرون بحق الوالدين كثير من الآيات الله يقرن حقه مع حق الوالدين فهذه الآية اللي قرينها يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وكذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وكذلك في قصة الرجل الصالح لقمان الحكيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ووصينا الإنسان بوالديه وفي كثير من الآيات الله عز وجل مدح الأنبياء والصالحين قال عن يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وقال عن يحيى عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا أيها الصالحون وسئل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قيل يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها يعني الصلاة في أول وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين بعد حق الله والصلاة قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وروى عبد الله بن عمر الحديث في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. مرة سيدنا عمر رضي الله عنه كان خارج من الطواف مع سيدنا علي رضي الله عنهما، فهم خارجين رأيا رجلا داخل الطواف وهو حامل أمه يطوف بها، فقال علي لعمر رضي الله عنهما يا عمر ارجع بنا إلى الطواف فلعل رحمة من الله تنزل فتعمنا. فهم الإمام علي كرم الله وجهه وعليه السلام رضي الله عنه بأن مرضي الوالدي تنزل معه يستجلب رحمة الله عز وجل، لعل رحمة الله تنزل فتعمنا. فتبعوا سيدنا علي واسمع هذا الرجل يرتجز بهذه الأبيات، كان يقول أنا مطيتها لا أنفر لأنها فوق ظهري، وإذا الركاب ذعرت لا أذعر، لبيك اللهم لبيك وما حملتني وأرضعتني أكثر، يعني ما حملتني وأرضعتني أكثر من هذا الشيء. وكان الإمام علي يجيبه ويقول إن تبرها فالله أشكر يجزيك بالقليل الأكثر. صحيح أن يقال أكثر ولكن رفعت للضرورة الشعرية. معشر الصالحين، ومرة جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إن أمي قد بلغت من الضعف والهرم بحيث لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني يهزها ويحملها في الظهر ديالو في الممشى ما يخليش الأم عندها، فحين تقضي حاجته تقضي فوق ظهري، فهل وفيت ديني لها؟ قال له عمر رضي الله عنه إنك إن تصنع لها ذلك وأنت ترتقب موتها غدا أو بعد غد، أما هي فكانت تصنع ذلك لك وهي ترجو لك عمرا طويلا. الشيخ كان الشيخ سير Nous continuons nos sermons autour des axes fondamentaux dans l'éducation des enfants. Ce qu'on n'a pas dit encore, c'est un sujet très important. Et ce sujet, à chaque fois qu'on parle de ce sujet, on a les larmes aux yeux, on a un pincement au cœur, parce que on sait que on fait ce qu'on fait, on reste très très loin de ce que Allah il a demandé, nous a demandé de faire envers nos parents. C'est d'éduquer nos enfants à améliorer, à avoir une relation avec leur papa et leur maman, une relation comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Il l'a dit dans le Coran. Dans beaucoup de versets du Coran, Allah azza wa jal, quand il parle de son droit fondamental qui est d'adorer Allah sans rien lui associer, juste après, il nous rappelle la bonté envers les parents. J'ai lu ces versets, Allah azza wa jalla, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an. Adorez Allah sans rien lui associer et soyez bon envers vos pères et mères. Votre Seigneur a décrété que vous ne devez adorer rien que lui sans rien lui associer. Et de bien traiter les parents, les pères et mères. Et quand Allah Azza wa Jalla fait les éloges de ses prophètes et messagers, il parle du prophète Yahya, Jean-Baptiste alayhi salam, il dit wa barran bi walidayhi. Il est bon vers ses pères et mères. Wa lam yakun jabbaran 'asiya. Quand il parle, Allah Azza wa Jalla fait les éloges de Isa, le prophète Jésus, alayhi salatu wa salam. Il dit, wa barran bi walidati, et bon vers ma mère, wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Luqman al-Hakim, kadalik, quand il fait ses exhortations à son fils, il lui dit, mon fils, la tushrik billah, n'associe rien avec Allah, parce que le shirk est une énorme injustice, et nous avons exhorté Allah de bien traiter son père et sa mère, ou sa mère et son père. Mes chers frères, mes chères sœurs, on va, à travers cette, le temps qu'on a, rappeler quelque chose, peu de ce que, ce qui est cité dans le Coran et la Sunna, et le but, c'est qu'après chacun de nous revoit cette relation et la conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Abdallah ibn Umar, il lui conseillait de faire attention à son papa, il lui a dit, sache que la satisfaction de Allah, l'agrément de Allah, passe par l'agrément, la satisfaction de ton père. Et la colère de Allah, il est quand tu fâches ton père. Et un jour, l'imam Ali et Omar radiallahu anhuma, ils étaient en train de faire tawaf autour de l'Kaaba. Quand ils sont sortis, ils ont vu un homme rentrer pour faire tawaf. Il a sa maman sur son dos pour lui faire tawaf. Et Imam Ali l'a dit à Omar, revenons vite, parce que là, il y a la miséricorde, la rahma de Allah, il va descendre. Venons vite, ne pas rater cette occasion. Peut-être cette rahma va nous toucher. Et quand il est rentré, il a suivi, il a entendu cet homme dire ces vers poétiques qui sont très beaux, qui veulent dire « Ana matiyatuha la anfiro » « Je suis fier d'être une monture pour ma maman et je ne m'enfuis pas. Et si les montures se fatiguent, moi je ne me fatigue jamais d'avoir ma maman sur mon dos. » Labbaik Allahumma labbaik, voilà ya Allah, je réponds à ton appel, ce que tu m'as demandé de faire envers ma maman. Mais ce qu'elle m'a fait est beaucoup plus que ça, dit, parce qu'il m'a porté dans son dos et il m'a allaité, et ça c'est encore plus. Et Ali aussi le répond avec des vers poétiques. Il lui dit, in taballaha fallahu ashkar. Si t'es bon avec ta mère, Allah il sera encore mieux avec toi. Tu fais peu et Allah te donnera beaucoup. Et un homme est venu chez Sayyidina Omar radiallahu anhu, il lui a dit, ma mère est vieille et ne peut plus bouger. Et moi, je la porte toujours sur mon dos. Et mon dos, c'est ses toilettes. Ses besoins, il les fait tout le temps sur mon dos. Est-ce que tu penses que moi, j'ai donné le droit à ma mère? Il lui a dit, si tu le fais, comme tu le dis, tu le fais, mais tu espères. Tu dis, peut-être il mourra demain ou après-demain. Mais elle, quand il te portait sur son dos, il avait peur que tu meures. Il espérait que tu vives tout le temps. Allah, Azza wa Jalla, dans le Coran, nous rappelle toujours cette reconnaissance envers la maman. Il dit, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sa maman, il l'a porté fatigue après fatigue. Nous, les hommes, nous devons remercier Allah qui ne nous a pas donné cette épreuve. Porter un silo dans ta main, tu ne peux pas le porter une journée, deux jours, trois jours, neuf mois. Porter un bébé dans le ventre, fatigue après fatigue, souffrance après souffrance, c'est ce que la maman elle a peiné et supporté. Pourquoi c'est très important de rappeler ça? Parce que malheureusement, beaucoup de musulmans, on commence à perdre ses valeurs. Juste un peu avant, c'était un papa, une maman musulmane dans une maison de retraite, c'était une injure, une insulte. Ça commence malheureusement de rentrer dans le normal. Non, c'est pas normal. Allah Azza wa Jal dit, Imma yablughanna 'indaka al-kibar. Comme ils sont vieux, leur place normale est chez toi. On ne doit même pas être content qu'il est chez mon frère, chez ma sœur, etc. Sa place, il doit être chez moi. 'Indaka al-kibar. Ahaduhuma aw kilahuma. Comment tu dois te comporter avec ta mère ou ton père? Fala taqul lahuma uff. Les savants disent, s'il y avait un comportement, un mot moins que ce fil, ce mot, Allah il aurait dit. Ça veut dire élever la voix sur son père ou sa mère. Agresser verbalement, ça c'est quelque chose vraiment de parmi les, il faut dire, les grands péchés. Je m'adresse à tous les jeunes, à tous les enfants. Qu'est-ce qu'une maman? Qu'est-ce qu'un papa? S'il doit te dire des choses qu'il ne te dise pas, qu'est-ce qu'il doit te dire? Il doit te dire, tu es mon fils, je t'aime. T'es grand, t'as 30, 40, 50 ans, j'ai envie de te prendre dans mes bras parce que pour moi, toujours t'es petit. J'ai besoin de ton temps, j'ai besoin de tes câlins. J'ai besoin, ce que tu fais avec ta femme, de le faire avec moi. De me faire sortir. J'ai besoin, pas uniquement que tu me laisses dans un coin sans m'adresser la parole. C'est ce qu'ils n'osent pas te dire. Est-ce que au fond d'eux, ils veulent te le dire? Et la question à poser à chacun d'entre nous, qui a pris ce temps, surtout les jeunes, mariés, de ramener sa femme et ses enfants dans un restaurant? Qui a pensé à prendre sa maman au restaurant, tout seul, pour lui dire « c'est ta journée ». C'est ce que le Coran attend de nous. Mes chers frères, mes chères sœurs, je donne deux exemples parce que le temps, il n'est pas, on n'a pas assez de temps. Al-mithal awwal ladhi wa'tahu ayyuhal ikhwa wa mithal Ibrahim alayhi salam. Allah azza wa jalla yaqul fi sourati Maryam wadhkur fi al-kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi. أشكر إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لما يقول هذا الخطاب الجميل للرقيق يا أبتي راك يقول هذا الواحد مشرك يصنع الأصنام ويدعو إلى عبادة الأصنام ولكنه أبوه يا أبتي كلام كل حب إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ولكن كيف كان يجيبه أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ومع ذلك مع القسوة اللي كان الأب يقول له لأرجمنك وأهجرك مليا كان يقول إبراهيم عليه السلام سلام عليك لا يحبس طعم أبي سأستغفر لك ربي إنه بي كان بي حفيا. الله عز وجل يقول cet exemple d'Ibrahim عليه السلام entre autres. Ibrahim, comment il parle ce discours avec son père, c'était qui le père de Ibrahim? C'était quelqu'un qui commet le grand péché, le plus grand péché qui existe, qui est shirk billah. Il fabriquait les statues, il vendait les statues, il invitait les gens à vendre les statues. Le Coran parle de ce fils Ibrahim, qu'Allah il a choisi, ce prophète, avec son père. Il y a abattu un discours d'amour, d'affection. Mon papa chéri, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Allah il m'a donné un savoir qu'il ne t'a pas donné. Suis-moi, n'écoute pas Shaitan. Pourquoi tu adores ces statues, etc. Et son père, comment il est avec extrême violence. Arrête Ibrahim, sinon je vais te lapider. Je vais t'expulser. Et qu'est-ce qu'il répond Ibrahim? Salam alaykum. Paix sur toi, papa. Je vais implorer le pardon de Allah pour toi, mon père. Et dont Luqman, ikhwani, quand Luqman, alayhi salam, il dit à son fils, « وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ » Nous avons exhorté à l'homme de prendre soin de son père et sa mère. « حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا » Sa mère, il a porté dans son ventre souffrance après souffrance. « وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ » أَنْ اِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْهِ » Sois reconnaissant envers moi et envers ta mère et ton père. Il est hier masqué. Et regardez là, l'ajab. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si ton père et ta mère utilisent la force pour que tu me désobéisses, la plus grande des désobéissances, que tu fasses le shirk, donne ça. ici ne les oublie pas. Mais attention, ça ne t'autorise pas à être insolent vers eux. Parce qu'il te dit juste après, « وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا » Tiens-leur une belle compagnie dans cette vie. Une belle compagnie de qui? De ses parents qui forcent l'enfant à désobéir à Allah. Tu leur dis, je ne peux pas, mais fais-le de la meilleure des manières, sans insolence, sans violence. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أبائنا وأمهاتنا عارفين لحقيقهما علينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا سيد ولد آدم أجمعين اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين إلى يوم الدين معشر الصالحين روى الإمام أحمد والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله عليه عن عمرو بن مرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان فأجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني أديت أركان الإسلام قال من مات على هذا ليموت ومتهلف أركان الإسلام الخمس كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة كهذا هكذا يعني قريب منه ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعق والدي فإذا عق والدي لم يقبل منه الله عز وجل صرفا ولا عدلا فأيها الرجل أيها الشاب كيف ممكن تكون في نفس الوقت من الناس اللي يحافظوا على الصلاة ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل وهو عاق لوالده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك الحديث الصحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا عاق هو الأول ما يقبل الله قال العلماء في شرح الحديث لا يقبل منهم فريضة ولا نافلة والعياذ بالله عاق ومنان ومكذب بالقدر شيخ خامي شيخ سير Un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit à Rasulallah, j'atteste la ilaha illallah et que tu es le messager de Allah. Je fais les cinq prières, je donne la zakat, je jeûne le mois du ramadan et je fais le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, celui qui meurt comme ça, il sera avec les prophètes, les véridiques et les témoins, shuhada. Le jour du jugement. Comme ça, ça dira à côté d'eux. Puis il a rajouté, il a dit, tant que cette personne ne maltraite pas ses parents, ne blesse pas ses parents, ne fait pas pleurer ses parents. Et dans l'autre hadith authentique, dit, trois personnes, Allah n'accepte de sarfan wa la adla. Les savants traduisent ce sarfan wa la adla, il n'accepte de ni farida, ni nafila. Et le premier, un désobéissant, quelqu'un qui désobéit à ses parents. Donc, mon cher frère, ma chère sœur, peut-être tu fais des prières, peut-être tu lis le Coran, mais si ta relation n'est pas bonne, n'est pas excellente avec tes parents, sache qu'il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement qui est terrible. Et sache ce que tu une dette. Quand tu traites tes parents, peut-être reprends tes enfants aussi. Sache que ces parents, ils ont ces droits et plus de temps de jumu'ah, il est vraiment peu pour parler de un centième de ce qu'il faut dire sur les parents. Et s'ils meurent, est-ce qu'il reste du droit? Ben oui. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a été... On lui a posé cette question. هل بقي قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم مات والدي يا رسول الله فهل بقي من برهما شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم وخمت ما زال الصلاة عليهما يعني تدعي لهم دائما وإنفاذ عهدهما وصية ديالهم إلى وصلوا بشي حاجة تعملها وصلة صديقهما تمشي تبحث على ذاك الناس اللي كانوا صحابه واللي كانوا يحبوهم في الدنيا تكرمهم وتقربهم وهذا ما فعل سيدنا عبد الله بن عمر في قصة عجيبة من الوقت ربما لا يسمح في هذا القصة إخواني سيدنا عبد الله بن عمر مع صحابته فلقي أعرابي أعرابي رجل فقير سيدنا عبد الله بن عمر أعطاه شي حوايج أعطاه تصدق عليه قال له من أين أنت يا أخ العرب قال له أنا فلان بن فلان قبيلة فلان فسيدنا عبد الله بن عمر ذاك السمية دازت في ودنه قال له أبوك هو فلان اللي كان يجي المدينة قال نعم وكان صاحبا صديقا لعمر فاهتز عبد الله بن عمر حين سمع بأن هذا صاحب الباب الناس نزل على الدابة أعطاه الجبة أعطاه العمامة أعطاه الحمار نتاعو باش يمشي يركب عليه قالوا له أصحابه رحمك الله يا أمين يا رحمك الله هذو الأعراب يرضون بالقليل أتى شوية يقبلها قال لا إن هذا أبوه كان حبا لعمر وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يكرم الرجل ود أبيه إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه On va clôturer mes chers frères et sœurs pour parler après la mort. Après la mort, est-ce qu'il reste, si nos parents meurent, un homme, il a demandé au prophète, est-ce que cette bonté envers les parents, il reste ? Il a dit oui. Il a dit premièrement de leur faire des doigts. L'imam Thawri, on lui a posé une question. Il lui a dit, combien de mar iwalidayhi fil yawmi marra ? Combien on doit faire des doigts pour nos parents dans la journée ? Il a dit, j'espère, si tu leur fais doigts après tous les tashahoud, c'est-à-dire avant cela, que tu auras fait le minimum de ce que tu dois faire. Ça veut dire au moins, c'est 5 fois par jour. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, deuxième chose, s'ils ont conseillé quelque chose, eh bien de respecter leur conseil. Et de prendre soin de leurs amis. Un jour, Abdullah ibn Omar, il était vers le pèlerinage, il devait partir faire le pèlerinage, il a rencontré un bédouin, quelqu'un de pauvre. Et Sayyidina Abdullah ibn Omar, il lui a donné une charité. Puis il lui a dit, dis-moi, comment tu t'appelles et tu es d'où ? Quand il lui a dit, moi je suis un tel fils de un tel de tel endroit, Sayyidina Abdullah ibn Omar, il lui a dit, mais est-ce que ton père, c'est lui qui venait souvent à midi ? Il lui a dit, oui, il était copain avec Omar ibn Khattab. Il ne savait pas qu'il parle, qu'il s'adresse à son fils. Et là, il a tremblé, Sayyidina Abdullah ibn Omar. Il est descendu de sa monture. Il lui a donné sa jupa, ça veut dire ses vêtements. Il lui a donné son turban. Il lui a donné même son âme pour qu'il continue le chemin avec elle. Et les autres, ils étaient étonnés. Il a dit, « Ya Amir, c'est des bédouins, c'est un bédouin, tu aurais pu lui donner peu de choses. Il serait très content. » Il a dit, « Non, vous ne savez pas c'est qui. Son père, il était ami à mon père. » Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, « Parmi le plus grand piété qu'on peut faire aux parents, c'est de continuer la relation et de bien traiter leurs amis après eux. Qu'est-ce qu'ils veulent ces parents de toi ? Ils veulent, mon cher frère, mon cher sœur, mes chers enfants, parce qu'ils t'aiment, ils veulent te protéger, parce qu'il n'y a personne qui peut t'aimer comme eux. Et si vous pouvez remarquer, personne ne peut, rarement que tu peux voir quelqu'un pleurer de joie que ta maman, quand il réussit quelque chose, et pleure parce qu'il ne sait pas exprimer tellement que c'est très fort. Aujourd'hui, la catastrophe, la grande tentation aujourd'hui, c'est ses écrans. Et ses parents, ils se plaignent de ses écrans. Il a envie que tu l'utilises positivement. Il a envie que le temps que tu rentres à la maison, que tu t'assoies avec eux, que tu discutes avec eux. Pas quand ils te parlent, t'es déjà sur ton smartphone en train de toucher ou bien de tweeter ou bien je sais pas quoi. Il a envie parce qu'il voit cette chose que toi t'es pas conscient. Ça peut être dangereux, ça peut te jeter dans la violence de la pornographie ou autre, ou même dans la violence du terrorisme ou d'autres choses. S'il te dit de modérer, de ne pas la voir dans ta chambre tout le temps, matin et soir, c'est leur droit. C'est une insolence, c'est une désobéissance quand ton père et ta mère te parlent et tu y es sur tes yeux fixés sur l'écran. C'est une insolence quand ta maman il t'appelle la pauvre après 22 heures parce que t'es dehors, parce que tu peux pas imaginer son cœur comme il est et toi tu veux pas répondre parce que c'est ma mère, il va me casser les pieds, il va me dire rentre, etc. C'est une désobéissance. La désobéissance, c'est pas hausser la voix, même si tu penses que ta mère ou ton père, ils ont pas raison. S'ils ont pas raison dans ça, ils ont raison dans 1 million de choses qu'ils ont fait pour toi. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا بارين لآبائنا وأمهاتنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعنا على بر والدينا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالإيمان والتقوى والصحة والعافية اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين